boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Salut à tous, c'est aussi surprenant que cela puisse paraître ce soir, malgré la langue de Shakespeare qui va nous envahir, ce ne seront que des groupes français qui vont arriver. On a commencé par les Two Sisters, on aura Alab Animal Triste, Asyl, Bandy Bandy, Bazar, Bellamy et autres Dry Can. Mais pour le moment, voici nos potes de Last Train avec The Holy Family. bien calé au 104.6, on vient de se faire les Lyonnais de Last Train et on se plonge maintenant du côté du Saint-Ouen dans la Seine pour retrouver les Loulous Von Trapp qui viennent de faire l'actualité avec leur nouveau titre qui s'appelle De l'amour à la bagarre. Ils ont voulu faire un clip dans lequel ils simulaient amour et bagarre et je crois que ça s'est fini aux urgences. Mais bon, c'est pas ce titre qu'on écoute tout de suite, on écoute Korean Barbecue par les Loulous Von Trapp. Sans regret, la nuit, j'ai peur et je m'ennuie, je suis bien seul au paradis. Cette maison que j'ai construite sur la plage, à la merci des prédateurs. Le chasseur, ils viennent dans mon lit pour rêver. Je rugis d'envie qu'ils partagent aussi. Ce soir, dans votre pop and rock, vous l'avez compris, ce ne seront que des groupes français qui chantent en anglais. Alors bien sûr, j'ai gratté dans mes habituels et puis j'ai gratté dans d'autres titres d'autres groupes que je ne connaissais pas, comme tout de suite Albe qui arrive, je ne connais pas, on écoute ensemble, on découvre, on aime ou pas. Gonna take the underground back to you. It's harder to fake when you know it's true. You keep telling me not to be so absurd. That said, now we hardly use words, and as it all fades back into blue. Try and chase the days, but I always lose. So I tell myself that's what I deserve. The only thing I know is what I never learn. If I can get this message to you, I'm just like the others. The less I know, the better. The wave comes crashing through. I can hear that song by Susie Sue. She's telling me not to be so confused. I got everything, but still I feel so used. If I get this message to you, I'm just like the others. The less I know, you worth. The only thing I know is that it always hurts. If I could get this message to you, I'm just like the others. The less I know, the better. Écoutez, dites donc, c'est pas trop mal tout ça. Alb qui chantait dans la Sino, c'est français, ça chante en anglais, comme tout de suite Animal Triste, qui reprend un titre que nous n'avions pas écouté depuis longtemps, Afterlife. We'll be right back.

Alors à présent, je pense que certains d'entre vous, ceux qui me connaissent le mieux, vont être surpris. Ouais, je vous envoie 6 minutes d'un titre qui s'appelle Wrong Side. Le groupe, c'est Chaka Ponk, ouais. Je ne suis pas très amateur, mais comme ils se disloquent enfin, je vais pouvoir passer un de leurs titres et penser à ma petite sœur, ou plutôt à ma grande sœur, qui adore particulièrement ce groupe. Chaka Ponk chante Wrong Side. The liquor store, take that bottle of old 64, a pack of smokes for my lungs, my love. But don't walk the wrong side of the road. There was one of them once before, but it's not the case, son, anymore. Don't walk the wrong side, that's for sure. I made you cry, but I'm the liquor store. Soyons clairs, je n'aime pas Chaka Ponk, mais ce titre Wrongside, franchement, il est pas mal. Je me demande même s'il ne l'aurait pas piqué ou si c'est pas simplement un cover. Je ne chercherai pas plus. Par contre, le groupe qui arrive maintenant, Dry Can, Mal Aero, ça, c'est du collector. Rodeo est sur Pop and Rock. Merci Joy. Eh ouais, Clinique Rodeo est dans Pop and Rock, ça chante en anglais, ça s'appelle Loose Fruit Games. Et écoutez bien ce petit gimmick, j'adore. Trouble, only firearms. Shoegaze, titre extraordinaire de Clinic Rodeo que j'adore. Il est issu d'un de leurs premiers, si ce n'est leur premier EP. J'adore Clinic Rodeo, merci à Joy pour le petit son qu'elle m'a envoyé. À présent, deuxième exception du soir. Ouais, on monte le son. Voici les filles de Brune qui chantent en français. C'est tous les jours. Reste là, allume-moi un instant. Reste là, fume mes lèvres en suspens. T'es si beau, oh, plus beau que n'importe qui. Reste là, ton corps est chaud comme la braise. Reste le même, je veux te mordre tant je t'aime. T'es si doux, oh, plus doux que n'importe quoi. Bien, bien mieux que n'importe où. C'est tous les jours que je vois la lueur dans le noir. C'est tous les jours que dans tes yeux loin je m'égare. Reste là, mets ta lumière sur ma peau. Le relais parce que je sens la fatigue grippale de notre programmateur revenir. Vous êtes bien en train d'écouter Pop and Rock sur la très locale RVRO 104.6 comme tous les lundis entre 17h et 18h. Time is running out, ghost keeping me alive. I get what he means, you have to survive. Too hot to give, too hot to live. I can't stop dreaming. Do you know what I mean? Your makeup, your angry eyes, stay hidden so I see you smile. I wanna stay inside your arms. I want to be far. 20 minutes and I'm riding. I don't give a damn today. I'm late and I must hurry. Welcome to my wife. I don't wanna wear this, I'm so. It's not ready today. Kill the light, I can't say. Don't keep me alive. I get what you mean. You know. Yeah. Don't keep me alive. I get what you mean. tighter. I get what they're saying to me. I gotta smile, smile, smile. Forget it, I wanna wait. Promise all my words, leave your gun outside. I got the words, let them play your mind. It's a lie, lie, lie. I get what the story to me. I gotta try, try, try. Cela faisait longtemps que je ne vous l'avais pas dit, mais dans Pop & Rock, on gratte, on cherche et parfois on trouve des trucs sympathiques. Il y a quelques semaines, quelques mois, voire peut-être même un ou deux ans, j'avais découvert Toy Bloid et j'avais écouté, bien aimé, et puis j'ai oublié, je suis passé à autre chose. Malheur à moi, j'ai réécouté, je me suis rendu compte qu'il méritait de repasser à nouveau. J'ai choisi un nouveau titre de Toy Bloid, ça s'appelle Of The Post. I'm

caresser. Pour s'enfoncer dans le ventre de la ville, les quartiers chauds c'est plus docile. Un nouveau pèlerinage, amis touristes, visitez mon village. Barbès, me monte à la tête, me monte à la tête. Barbès, yeah, yeah, yeah, yeah. Ooh, yeah. Me monte à la tête. Si vous craignez la chaleur humaine, j'ai bien peur que dans mon quartier, la canicule vous gêne. Toutes ces mâcheuses de noix de cola, érotiques à vous donner le palud.